J'ai rencontré l'amour un jour d'été, m'en allant promener sur les Champs-Élysées. Je ne savais pas que j'allais rencontrer et l'amour. Je ne pensais pas que j'allais de ce pas vers mon bonheur. Je ne croyais pas que j'allais rencontrer ma destinée. Tu es si douce comme une fleur. Par le regard de tes beaux yeux, tu m'as pris mon cœur. Je t'en supplie, amour de mes rêves, donne-moi ton cœur. Je voudrais te dire comme on le dit chez moi, Bolingo. Je voudrais te dire comme on le dit chez moi, Nalingio. Antoine, Tokutanana 5 sur 5. Jean-Jacques Bayonne. J'aimerais pour toujours, au-delà de l'amour. Tu es ma fleur d'amour.